commence quand vous voulez. On commence quand vous voulez. Alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie? Comme je vous disais, ce que je fais, j'interviewe les gens, je collectionne les vies. Il vous faudra beaucoup de cassettes pour mon histoire. C'est par là que nous devrions commencer, vous ne croyez pas? On commence quand vous voulez.